Chapitre 148e Révélation. Balsamo ferma la porte derrière lui, et apparaissant sur le seuil au moment où Philippe contemplait sa sœur avec une terreur mêlée de curiosité. « Êtes-vous prêt, chevalier ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, oui, » balbutia Philippe tout tremblant. « Nous pouvons donc commencer à interroger votre sœur ? » « S'il vous plaît, » dit Philippe, en essayant de soulever avec sa respiration le poids qui écrasait sa poitrine. « Mais avant tout, dit Balsamo, regardez votre sœur. Je la vois, monsieur. Vous croyez bien qu'elle dort, n'est-ce pas ? Oui. Et que par conséquent, elle n'a aucune conscience de ce qui se passe ici. » Philippe ne répondit pas. Il fit seulement un geste de doute. Alors Balsamo alla au foyer et alluma une bougie qu'il passa devant les yeux d'André sans que la flamme lui fît baisser la paupière. « Oui, oui, elle dort, c'est visible, dit Philippe. Mais de quel étrange sommeil, mon Dieu ! « Eh bien, je vais l'interroger, continua Balsamo, ou plutôt, vous avez manifesté la crainte que je n'adressasse à votre sœur quelque indiscrète question. Interrogez vous-même, chevalier. » « Mais je lui ai parlé, mais je l'ai touchée tout à l'heure. Elle n'a point paru m'entendre, elle n'a point paru me sentir. » « C'est que vous n'étiez pas en rapport avec elle, je vais vous y mettre. » Et Balsamo prit la main de Philippe et la mit dans celle d'André. Aussitôt la jeune fille sourit et murmura. « Ah, c'est toi, mon frère. »« Vous voyez, » dit Balsamo, « elle vous reconnaît maintenant. »« Oui, c'est étrange. » »« Interrogée, elle répondra. » »« Mais si elle ne se souvenait pas éveillée, comment se souviendra-t-elle endormie ?»« C'est un des mystères de la science. » Et Balsamo, poussant un soupir, alla dans un coin s'asseoir sur un fauteuil. Philippe restait immobile, sa main dans la main d'André. Comment allait-il commencer ses interrogations, dont le résultat serait pour lui la certitude de son déshonneur et la révélation d'un coupable à qui peut-être sa vengeance ne pourrait s'adresser. Quant à André, elle était dans un calme soudain de l'extase, et sa physionomie indiquait plutôt la quiétude que tout autre sentiment. Tout frémissant, il obéit néanmoins au coup d'œil expressif de Balsamo qui lui disait de se préparer. Mais à mesure qu'il pensait à son malheur, à mesure que son visage s'assombrissait, celui d'André se couvrait d'un nuage. Ce fut elle qui commença par lui dire « Oui, tu as raison, frère, c'est un grand malheur pour la famille. » André traduisait ainsi la pensée qu'elle lisait dans l'esprit de son frère. Philippe ne s'attendait pas à ce début, il tressaillit. « Quel malheur ? » demanda-t-il sans trop savoir ce qu'il répondait. « Ah, tu le sais bien, mon frère. Forcez-la de parler, monsieur, elle parlera. Comment puis-je la forcer ? « Veuillez qu'elle parle, voilà tout. » Philippe regarda sa sœur en formulant une volonté intérieure. André rougit. « Oh ! » dit la jeune fille, « comme c'est mal à toi, Philippe, de croire qu'André t'a trompé. »« Tu n'aimes donc personne ?» demanda Philippe. « Personne. » »« Alors ce n'est pas un complice, c'est un coupable qu'il me faut punir. » »« Je ne vous comprends pas, mon frère. » Philippe regarda le comte comme pour lui demander avis. « Pressez-la, » dit Balsamo, « que je la presse. » Oui, interrogez, franchement. Sans respect pour la pudeur de cet enfant. Oh, soyez tranquille, à son réveil, elle ne se souviendra de rien. Mais pourra-t-elle répondre à mes questions ? Voyez-vous bien ? Demanda Balsamo à André. André tressaillit au son de cette voix. Elle tourna son regard sans rayon du côté de Balsamo. Moins bien, dit-elle, que si c'était vous qui m'interrogeassiez. Mais cependant, j'y vois. Eh bien, demanda Philippe. « Si tu y vois, ma sœur, raconte-moi en détail cette nuit de ton évanouissement. »« Ne commencez-vous point par la nuit du 31 mai, monsieur ? Vos soupçons remontaient à cette nuit, ce me semble. Le moment est venu de tout éclaircir à la fois. »« Non, monsieur, répondit Philippe, c'est inutile et depuis un instant je crois à votre parole. Celui qui dispose d'un pouvoir tel que le vôtre n'en use pas pour arriver à un but vulgaire. »« Ma sœur, répéta Philippe, racontez-moi tout ce qui s'est passé dans cette nuit de votre évanouissement. » « Je ne me rappelle pas, » dit André. « Vous entendez, monsieur le comte ? Il faut qu'elle se rappelle, il faut qu'elle parle, ordonnez-le-lui. Mais si elle était dans le sommeil, l'âme veillait. » Alors il se leva, étendit la main vers André, et avec un froncement de sourcil qui indiquait un redoublement de volonté et d'action, « Souvenez-vous, » dit-il, « je le veux. »« Je me souviens, » dit André. « Oh !» fit Philippe, essuyant son front. « Que voulez-vous savoir ? Tout. » « À partir de quel moment ? À partir du moment où vous vous êtes couché. » Vous voyez-vous vous-même ? Oui, je me vois. Je tiens à la main le verre préparé par Nicole. Oh mon Dieu ! Quoi ? Qu'y a-t-il ? Oh la misérable ! Parle, ma sœur, parle. Ce verre contient un breuvage préparé. Si je le bois, je suis perdu. Un breuvage préparé ? S'écria Philippe. Dans quel but ? Attends, attends. D'abord le breuvage. J'allais le porter à mes lèvres, mais en ce moment, eh bien, le comte m'appela. Quel comte ? Lui, dit André, tendant sa main vers Balsamo. Et alors ? Alors je repose le verre et je m'endormis. Après, après ? Demanda Philippe. Je me levais et j'allais le rejoindre. Où était le comte ? Sous les tilleuls, en face de ma fenêtre. Et le comte n'est jamais entré chez vous, ma sœur ? Jamais. Un regard de Balsamo adressé à Philippe lui dit clairement « Vous voyez si je vous trompais, monsieur. Et vous dites que vous allez te rejoindre le comte ?»« Oui, je lui obéis quand il m'appelle. »« Que vous voulez, le comte ?» André hésita. « Dites, dites !» s'écria Balsamo. « Je n'écouterai pas. » Il retomba sur son fauteuil en ensevelissant sa tête dans ses mains comme pour empêcher le bruit de la parole d'André de venir jusqu'à lui. « Dites !» « Que vous voulez, le comte ?» répéta Philippe. Il voulait me demander des nouvelles. Elle s'arrêta de nouveau. On lui dit qu'elle craignait de briser le cœur du comte. « Continue, ma sœur, continuez, » dit Philippe. « D'une personne qui s'était évadée de sa maison et... » André baissa la voix. « Et qui est morte depuis. » Si bas qu'André eut prononcé ces paroles, Balsamo les entendit ou les devina, car il poussa un sombre gémissement. Philippe s'arrêta. Il eut un moment de silence. « Continuez, continuez, » dit Balsamo. « Votre frère veut tout savoir, mademoiselle. Il faut que votre frère sache tout. » Après que cet homme eut reçu les renseignements qu'il désirait, que fit-il ? « Il s'enfuit, » dit André. « Vous laissant dans le jardin ?» demanda Philippe. « Oui. » « Que fites-vous alors ?» Comme il s'éloignait de moi, comme la force qui me soutenait s'éloigne avec lui, je tombais. « Évanoui ? » ?»« Non, toujours endormi, mais d'un sommeil de plomb. » Pouvez-vous rappeler ce qui vous arriva pendant ce sommeil ? Je tâcherai. Eh bien, qu'est-il arrivé ? Dites ! Un homme est sorti d'un buisson, m'a pris dans ses bras et m'a apporté. Où cela ? Ici, dans mon appartement. Ah, et cet homme, le voyez-vous ? Attendez. Oui, oui. Oh ! Continua André avec un sentiment de dégoût et de malaise. C'est encore ce petit Gilbert. Gilbert ? Oui. Que fit-il ? Il me déposa sur un sofa. Après ? Attendez. Voyez, voyez, dit Balsamo. Je veux que vous voyez. Il écoute. Il va dans l'autre chambre. Il recule comme effrayé. Il entre dans le cabinet de Nicole. Mon Dieu, mon Dieu ! Quoi ? Un homme le suit. Et moi, moi qui ne peux pas me lever, me défendre, crier, moi qui dors. Quel est cet homme ? Mon frère, mon frère ! Et le visage d'André exprima la plus profonde douleur. « Dites, quel est cet homme ?» ordonna Balsamo. « Je le veux. »« Le roi, » murmura André. « C'est le roi. » Philippe frissonna. « Ah, » murmura Balsamo. « Je m'en doutais. » « Il s'approche de moi, » continua André. « Il me parle. » « Il me prend dans ses bras. » « Il m'embrasse. » « Oh, mon frère, mon frère !» De grosses larmes roulaient dans les yeux de Philippe, tandis que sa main étreignait la poignée de l'épée que lui avait donnée Balsamo. « Parlez, parlez !» continua le comte d'un ton de plus en plus impératif. « Oh, quel bonheur ! Il se trouble, il s'arrête, il me regarde, il a peur. Il fuit. André est sauvé !» Philippe aspirait, haletant chaque parole qui sortait de la bouche de sa sœur. « Sauvé ? André est sauvé » répéta-t-il machinalement. « Attends, mon frère, attends !» Et la jeune fille, comme pour se soutenir, cherchait l'appui du bras de Philippe. « Après, après !» demanda Philippe. « J'avais oublié. »« Quoi ? Là-bas, dans le cabinet de Nicole, un couteau à la main. »« Un couteau à la main. »« Je le vois. Il est pâle comme la mort. »« Qui ? Gilbert. » Philippe retenait son haleine. « Il suit le roi. » continua André. « Il ferme la porte derrière lui. Il met le pied sur la bougie qui brûlait le tapis. »« Il s'avance vers moi. Oh !» La jeune fille se dressa dans les bras de son frère, chaque muscle de son corps raidi comme s'il eût été prêt de se rompre. « Oh, le misérable !» dit-elle enfin. Et elle retomba sans force. « Mon Dieu !» dit Philippe, n'osant interrompre. c'est lui !» murmura la jeune fille. Puis, se dressant jusqu'à l'oreille de son frère, l'œil étincelant et la voix frémissante, « Tu le tueras, n'est-ce pas, Philippe ?»« Ah oui !» s'écria le jeune homme en bondissant. Il rencontra derrière lui un guéridon chargé de porcelaine qu'il renversa. Les porcelaines se brisèrent. Au bruit de cette chute se mêla un bruit sourd et une commotion soudaine des cloisons, puis un cri d'André qui domina le tout. « Qu'est-ce cela ? » dit Balsamo. « Une porte s'est ouverte. »« Nous écoutait-on ? » s'écria Philippe en mettant les pieds à la main. « C'était lui, » dit André. « Encore lui. Mais qui donc, lui ? Gilbert, Gilbert, toujours. Ah, tu le tueras, n'est-ce pas, Philippe ? Tu le tueras. » « Oh oui, oui, oui !» s'écria le jeune homme, et il s'élança dans l'antichambre, l'épée à la main, tandis qu'André était retombé sur le sofa. Balsamo s'élança après le jeune homme et le retint par le bras. « Prenez garde, monsieur, » dit-il, « ce qui est secret deviendra public. Il fait jour, et l'écho des maisons royales est bruyant. »« Oh, Gilbert, Gilbert !» murmura Philippe. « Il était caché là, il nous entendait, je pouvais le tuer. Oh, malheur sur le misérable !» « Oui, mais silence. Vous retrouverez ce jeune homme. C'est de votre sœur qu'il faut vous occuper, monsieur. Vous le voyez, elle commence à être fatiguée de tant d'émotions. »« Oh oui, je comprends ce qu'elle souffre parce que je souffre moi-même. Ce malheur est si affreux, si peu réparable. Oh, monsieur, monsieur, j'en mourrai. »« Vous vivrez pour elle, au contraire, chevalier. Car elle a besoin de vous, n'ayant que vous. Aimez-la, plaignez-la, conservez-la. » « Et maintenant, continua-t-il après quelques secondes de silence, vous n'avez plus besoin de moi, n'est-ce pas ? » dit-il. « Non, monsieur. Pardonnez-moi mes soupçons, pardonnez-moi mes offenses, et cependant tout le mal vient de vous, monsieur. Je ne m'excuse point, chevalier, mais vous oubliez ce qu'a dit votre sœur. Qu'a-t-elle dit ? Ma tête se perd. Si je ne fusse pas venu, elle buvait le breuvage préparé par Nicole, et alors c'était le roi. « Eussiez-vous trouvé le malheur moins grand ?»« Non, monsieur, il eût été égal toujours. Et je le vois bien, nous étions condamnés. Réveillez ma sœur, monsieur. »« Mais elle me verra. Mais elle comprendra peut-être ce qui s'est passé. Mieux vaut que je la réveille comme je l'ai endormie, à distance. Merci, merci. Alors, à mon tour, adieu, monsieur. Un mot encore, comte. Vous êtes homme d'honneur. Oh, le secret, voulez-vous dire, comte. » « C'est une recommandation inutile, monsieur. D'abord, parce que je suis homme d'honneur. Ensuite, parce que décidé à ne plus avoir rien de commun avec les hommes, je vais oublier les hommes et leurs secrets. Toutefois, monsieur, comptez sur moi si je puis jamais vous être utile. Mais non, je ne suis plus utile à rien. Je ne vaux plus rien sur la terre. Adieu, monsieur, adieu. » Et s'inclinant devant Philippe, Balsamo regarda encore une fois André, dont la tête penchée en arrière avec tous les symptômes de la douleur et de la lassitude. « Oh, science » murmura-t-il, « que de victimes pour un résultat sans valeur. » Et il disparut. À mesure qu'il s'éloignait, André se ranima. Elle souleva sa tête pesante comme si elle eût été de plomb, et regardant son frère avec des yeux étonnés, « Oh, Philippe » murmura-t-elle, « que vient-il donc de se passer ?» Philippe comprima le sanglot qui l'étouffait, et souriant avec héroïsme, « Rien, ma sœur, » dit-il. « Rien, non. Et cependant, il me semble que j'étais folle et que j'ai rêvé. »« Rêvé, et qu'as-tu rêvé, chérie bon André ?»« Oh, le docteur Louis, mon frère. »« André !» s'écria Philippe en lui serrant la main. « André, tu es pur comme la lumière du jour. Mais tout t'accuse, tout te perd. Un secret terrible nous est imposé à tous deux. Je vais aller trouver le docteur Louis, pour qu'il dise à madame la dauphine que tu t'atteins de ce mal inexorable du pays, que le séjour seul de Tavernet peut te guérir, et puis nous partirons, soit pour Tavernet, soit pour quelque autre lieu du monde. Puis, tous deux isolés ici-bas, nous aimant, nous consolant. Mais cependant, mon frère, dit André, si je suis pur comme tu dis, cher André, je t'expliquerai tout cela. En attendant, prépare-toi au départ. Mais mon père, dit Philippe d'un air sombre, mon père, cela me regarde, je le préparerai. Il nous accompagnera donc. Mon père, oh, impossible, impossible. Nous deux, André, nous deux seuls, te dis-je. Oh, que tu m'effraies, ami, que tu m'épouvantes, mon frère, que je souffre, Philippe. Dieu est au bout de tout, André, dit le jeune homme. Ainsi donc, du courage. Je cours trouver le docteur. Toi, André, Toi, ce qui te rend malade, c'est le chagrin d'avoir quitté ta Bernay, chagrin que tu cachais pour madame la dauphine. Allons, allons. Sois forte, ma sœur. Il y va de notre honneur à tous deux. » Et Philippe se hâta d'embrasser sa sœur, car il suffoquait. Puis il ramassa son épée, qu'il avait laissée tomber, la remit au fourreau d'une main tremblante et s'élança dans l'escalier. Un quart d'heure après, il frappait à la porte du docteur Louis, qui, tout le temps que la cour habitait Trianon, habitait Versailles.